les événements à venir. Je crois que Paulin et Rhoda, eux, ils sont à une semaine déjà. Il y a notre frère Michael qui se marie le samedi. Et aujourd'hui même, il y a Hannah Bergen que j'ai enseignée, pour laquelle j'ai beaucoup prié souvent et qui m'a même demandé quelquefois d'écrire pour rappeler les bénédictions que j'avais l'habitude de dire. Chaque fois qu'elle faisait quelque chose de bien, je disais que Dieu te donne un bon mari. À l'époque, elle n'était pas d'accord. Elle trouvait qu'elle n'était pas encore une grande fille pour cela. Elle se marie aujourd'hui et son papa m'a envoyé la carte d'invitation. Et derrière, il a dit « Merci pour toutes les années de prière. » Voilà, c'est ce dimanche que Hannah se marie. Voilà la carte. Donc, je voudrais qu'on prie pour ces gens-là, pour que Dieu les soutienne aussi. Et en plus d'eux, comme Paul avait dit, nous allons prier pour Bruce, Draman et Ali, qui sont allés soutenir ceux de Sapu. Veuillez vous tenir debout. Nous allons confier ces sujets au Seigneur. Prions ensemble. Père, nous voulons être reconnaissants ce matin. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu bon et fidèle. Merci pour Bruce, Draman et Ali. Et merci pour cette œuvre à Sapu. Merci de les encourager. Merci de ce que ce matin tu vas encore être avec eux pendant le culte. Père, nous voulons ce matin te dire merci pour Rhoda et Paulin déjà. Seigneur, nous voulons te confier le mariage à venir. Nous pensons à notre frère Michael. Nous demandons que tu étends ta main, que tu les prépares pour Seigneur le samedi. Merci pour Hannah et son mari et son futur époux. Sois avec eux pendant cette célébration d'aujourd'hui. Père, nous laissons tout à toi avec cette assurance que lorsque nous te demandons quelque chose, tu réponds. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes dans la Noël, n'est-ce pas? Vous avez écouté les chants? Les chants déjà nous disent que nous sommes à la Noël. Et je crois que lorsque vous regardez, vous arpentez les rues de Ouaga, partout vous voyez que c'est la Noël aussi. N'est-ce pas? C'est les arbres de Noël, les enfants qui préparent des crèches. Vous aviez ce Papa Noël en poupée bien gonflée, puis un peu partout. Même si tout ce monde ne fête pas Noël de la manière dont nous fêtons. N'est-ce pas? Est-ce que tout ce monde l'a fête parce qu'ils connaissent qui est Jésus? Non. Il y a des gens qui fêtent parce que c'est pour vendre, pour avoir beaucoup d'argent. Mais pourquoi célébrons-nous la Noël, si je pose cette question-là? Parce que chacun a une manière bien spéciale de donner une réponse, non? Pourquoi les chrétiens même célèbrent la Noël? Quelqu'un peut me dire quelque chose? Ou bien on ne doit même pas la célébrer? Bon, moi je crois qu'on est déjà dedans, donc pourquoi les gens célèbrent la Noël? Oui, Nancy. On se rappelle que Jésus est venu d'abord comme un enfant dans une famille pauvre. Oui. Il a laissé la vie au ciel pour marcher comme un homme sur la terre. Amen. Et que c'est le début du plan de salut que Dieu a pour tous les hommes. Oui. Qui a commencé avec cette naissance. Amen, amen. Ok. Y a-t-il autre chose? Elle a résumé tout? Donc la Noël, ce n'est pas les beaux habits, les complets, le bon repas, la boisson, les réjouissances, non. La Noël, c'est pour encore nous rappeler. C'est un rappel. Je crois que c'est un anniversaire que nous célébrons pour nous rappeler la raison pour laquelle Jésus est venu, et c'est un départ. Voyez-vous, lorsqu'on témoigne de quelqu'un, c'est important, n'est-ce pas? Témoigner de quelqu'un, témoigner de ce qu'il a fait, dire beaucoup de choses. Et la Bible est pleine de tout ce qui a été dit à propos de Jésus avant sa venue. Notre Dieu est un Dieu fidèle depuis qu'il a voulu toujours œuvrer avec la créature qu'est l'homme. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, il s'adressait à lui et lui faisait toujours signe. Rappelez-vous, quand nous lisons dans Genèse, au chapitre 18, lorsque Dieu voulait parler de l'héritier, la promesse de cet héritier à Abraham, et quand c'était presque prêt, il a posé une question. Je voudrais que quelqu'un lise dans Genèse 18, le verset 17. Si quelqu'un peut nous lire cela. 18, 17. Quelqu'un là dans la version française courant pour moi? Genèse 18, 17. Qu'est-ce que Dieu dit? Le Seigneur se dit, je ne veux pas demander à Abraham ce que je vais faire. Ok, ça, c'est en français courant, c'est simplement une phrase affirmative. Dans ma version, il est dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est une question, non? S'il pose la question, on a des pointillés, et c'est sûr, il ne lui est pas caché. Ce qu'il voulait faire, il l'a informé. Dieu a toujours été fidèle. Lorsqu'il voulait faire quelque chose, il a toujours donné des signes, il a toujours mis au courant ceux avec lesquels il marchait, il travaillait, il collaborait. Donc, et Amos dit cela de façon assez claire. Et je voudrais que quelqu'un nous lise Amos 3, le verset 7. Amos le dit de façon claire, Dieu ne cache pas les choses aux gens. Amos 3, le verset 7. Quelqu'un l'a trouvé pour moi? Amos 3, 7. Oui. Il ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. Et lorsqu'on lit dans Ésaïe 7, on lit toute la suite et nous parle de ce qui va se passer. Si cette prophétie peut être appliquée à Jésus comme à une autre personne comme Ézéchias. Mais voyez, Dieu a toujours utilisé des signes pour informer, révéler ce qui allait venir. Et en pensant à ce Jésus et de la manière dont il a procédé, nous voyons que le prophète Ésaïe avait déjà parlé de cet homme qui allait venir, de ce sauveur. Et c'est bien précisé, Emmanuel, dans nos versions. Ça a pris du temps. Et au fur et à mesure qu'on s'approchait, il précisait la révélation. Jusqu'à ce que nous arrivons au Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, où on voit avec précision. Je crois que lorsque vous lisez Luc 2, nous voyons que Dieu a fait quelque chose pour que les gens sachent qu'effectivement, celui qu'il a promis était là. Je voudrais que nous lisons Luc 2. Allons dans Luc au chapitre 2, nous allons lire quelques versets. À partir du verset 8, je voudrais que quelqu'un lise de 8 à 14 pour nous. Luc 2, 8 à 14. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la voix du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de linge Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Amen. Le partage de ce matin, je l'ai intitulé « Le don divin pour l'humanité ». Et je vais commencer et dimanche prochain, continuer. Le don divin pour l'humanité. Voyez, ce texte que nous venons de lire dans Luc nous présente, les premières personnes qui ont reçu l'information à propos de la naissance de ce sauveur. Ça n'a pas été caché. Et nous voyons qu'ils ont été avertis par des messagers célestes, des anges. Dans un premier temps, notre texte nous parle d'un ange qui est apparu et ces bergers qui ne s'attendaient pas à quelque chose, voilà, ils ont dû avoir peur, c'est normal, parce que vous et moi, si un ange apparaissait tout de suite et nous sommes convaincus que c'est un ange, ça va dire que c'est un être qui n'a pas sa place parmi nous. D'habitude, on ne les rencontre pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas leur place normale. Donc, c'est sûr que nous allons avoir peur parce que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer des anges et aussi, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc, ces gens, je peux dire qu'ils ont eu leur quiétude un peu troublée. Et l'ange savait qu'ils avaient eu peur, voilà pourquoi il leur a dit de craindre point, les rassurer d'abord, avant de leur livrer ce message important. Et ce message, je crois que ce message était assez particulier. Il a commencé à leur dire ce qui se passait et avec exactitude où ils devaient trouver le bébé. Et juste après cela, il est dit qu'une multitude encore d'autres anges apparurent à eux. Je crois qu'ils avaient le cœur tranquille en ce moment. Et ces anges chantaient, louaient Dieu pour ce qui venait de se réaliser. Voilà des signes qui montraient que Dieu accomplissait ce qu'il avait promis. Et si nous partons dans Matthieu, nous voyons que les mages qui sont venus d'Orient avaient aussi suivi des signes. Il est dit qu'ils ont suivi quoi? Une étoile. Ils ont vu une étoile dans les cieux depuis l'Orient. Ils ont suivi ce signe jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jérusalem et s'informent et poursuivent encore leur chemin jusqu'à ce qu'ils arrivent au lieu où Jésus est né. Dieu avait prévu cela, mais il n'a pas voulu surprendre l'humanité avec cela. Il a utilisé des prophètes pour informer son peuple de la venue de ce sauveur, jusqu'à ce qu'on arrive à l'accomplissement, c'est-à-dire la naissance de ce sauveur. En lisant toute la suite du chapitre 2 de Luc, nous allons voir qu'il y avait des gens qui attendaient cette venue-là, notamment Siméon, qui a eu la grâce de présenter cet enfant. Ensuite, la prophétesse Anne, des gens qui attendaient, parce qu'ils étaient au courant, ils avaient reçu la révélation, mais ils attendaient que cela s'accomplisse. Dieu a permis tout cela. Mais une chose dont je voudrais que nous rappelons, témoigner de quelqu'un, tout ce monde, c'était l'enfant Jésus, le bébé. Mais lorsque nous allons encore en profondeur dans les évangiles, nous voyons que certains parlent de lui toujours, de qui il est. Et je crois que la célébration de la Noël doit avoir comme, je peux dire, point important, la raison essentielle de la venue de ce sauveur-là pour nous, pour vous et moi, et pour le reste de l'humanité. En célébrant Noël, nous ne le célébrons pas comme c'est encore le petit Jésus. Non, il est déjà venu, il a déjà accompli. Mais nous nous rappelons, et c'est comme une manière aussi de nous arrêter, nous-mêmes, et de nous évaluer dans notre compréhension de ce que ce Sauveur est venu et ce qu'il a fait dans notre vie. Je vous ai dit que souvent, lorsqu'on regarde à des gens qui célèbrent un anniversaire, on dit quoi? J'ai encore ajouté une année à ma vie, c'est ça? Ça réjouit les gens, non? C'est pas cela? C'est pas tout le monde que ça réjouit. Bon, Isaac a dit que c'est pas tout le monde qui se réjouit. Bon, pour ça, moi, je crois que quand les gens ajoutent encore une année, les gens vous font beaucoup de bénédictions, non? Que Dieu permette que tu vives encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres anniversaires. C'est pas cela? Bon, je dis beaucoup, beaucoup en traduisant dans nos langues. Pour intensifier, on répète beaucoup, n'est-ce pas? Et on dit, ah, vous avez déjà fait 25 ans de mariage? Ah, que Dieu permette que vous ayez encore 25 autres. Bon, on veut ça. La raison, c'est quoi? On considère qu'on a encore pris quand même un peu plus de poids, on a encore grandi plus et on en maturité. C'est ça, je crois. C'est pas cela? Bon, même regardez, la semaine, avant-hier, il y avait l'anniversaire d'un enfant et mes petites filles ont été invitées. Il y a une particulièrement qui aime vraiment ces anniversaires-là, Naomi. Quand elle est là, vraiment, si on dit qu'il y a anniversaire, elle est prête. Et ils sont venus, elle n'était pas là. Et puis ma femme dit que, oh, que celle qui aime anniversaire-là n'est pas là. Et le soir, sa maman les a amenées. Elles sont allées rester là-bas longtemps. Et puis, je dis, mais qu'est-ce qu'on vous a donné? Mais si on vous cite tout ce qui a été fait pour ce bébé-là, je dis, ah, c'est beaucoup quand même, hein. Vous avez vu, ça c'est pour le bébé, on fait l'anniversaire. Avec beaucoup de faste. Docteur, pour toi, tu ne fais rien? Je suis sûr que les gens font beaucoup de choses ce jour-là. Ils font quelque chose de particulier. Il y a certains même qui veulent qu'on sache que c'est aujourd'hui mon anniversaire. Surtout avec, on envoie un quoi? Facebook, non? Et puis les gens répondent. Et puis, joyeux anniversaire. C'est pas cela? Olivier, c'est pas ça? Ok, ça ne passe plus inaperçu. Voyez, c'est important pour chacun. Et on veut se rappeler. On veut savoir, on veut montrer aux gens, voilà, j'ai encore fait un autre pas dans la maturité où, en tout cas, j'ai progressé. Donc, je pense que ce qui est derrière la Noël, c'est réellement qu'est-ce qu'il a fait pour nous et où nous sommes aujourd'hui. Nous devons pouvoir nous évaluer. Nous pouvons nous arrêter et puis dire, depuis que j'ai connu ce Jésus-là, de la Noël 2017 à la Noël 2018, si je dois me peser spirituellement, quel est mon poids? Est-ce que j'ai progressé dans la compréhension de la parole de Dieu? Dans la mise en application de cette parole dans ma vie? Je devrais poser ces questions. On devrait être capable de faire cela. Il y a quelqu'un qui a encore dit beaucoup à propos de ce Jésus-là. Et c'est pour cette raison que je voudrais placer ce texte au centre de ma prédication ce matin. Je voudrais que nous allons dans l'évangile selon Jean. Jean a vécu avec Jésus, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mieux témoigner de quelqu'un que celui qui a vécu avec lui? La plupart du temps, je pense que, regardez souvent, quand on doit parler de quelqu'un, on demande à ceux qui sont proches, n'est-ce pas? Bon, toi, tu as vécu avec lui, qu'est-ce que tu peux dire de lui? C'est pas cela? Et on se dit, celui qui est à côté, celui qui a vécu avec lui, peut mieux le connaître. Et c'est vrai. Jean a vécu avec Jésus. Il a marché avec Jésus pendant son ministère. Si on demande Jean de dire, on demande à Jean de dire quelque chose par rapport à Siméon qui a tenu le bébé, vous voyez que Jean est bien placé. Siméon l'a vu petit, n'est-ce pas? Bébé, et l'a confié au Seigneur, l'a présenté à Dieu. Et Dieu lui a révélé ce que cet enfant allait faire, mais il n'a pas encore fait, n'est-ce pas? Mais quant à Jean, Jean a vécu avec lui. Ça veut dire que toute l'étape est déjà passée, il a même fait le ministère. Et Jean parle de ce Jésus-là. Et en plus de cela, il donne le témoignage de Jean-Baptiste, qui a été celui qui allait annoncer la venue de cet homme-là. Je voudrais que nous lisons Jean au chapitre, le premier chapitre. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Et je vais prendre quelques versets aujourd'hui. Jean 1, 1 à 14. Si quelqu'un peut me lire dans la version français courant. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avant la vie en lui, avec la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Celui qui est la lumière était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Amen. Bien. Voilà ce que Jean dit de ce Jésus bébé dans Luc et lui, Jean, qui a été à ses côtés pendant le ministère. Et la partie qui m'intéresse ce matin, c'est le témoignage dont Jean-Baptiste, tout le témoignage que Jean-Baptiste a fait à propos de Jésus. Il est dit qu'il est, lui-même n'était pas dans cette lumière-là, mais il est venu pour témoigner de cette lumière. Je crois qu'il n'y a pas de nouveau chrétien parmi nous ici. Nous avons tous cheminé avec le Seigneur un bon bout de temps. Et en nous rappelant de tout ce que Jésus a fait. Parce que je peux dire que ce chapitre est comme un petit résumé que Jean fait. C'est vraiment un résumé assez condensé de ce qu'est celui-là qui est venu. Il parle de la lumière. Je coupe à partir du... Je laisse les versets précédents et je viens simplement à partir du verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et le témoignage de Jean, nous l'avons à partir du verset 19, et vous pourrez lire en descendant. Jean est venu pour témoigner de lui. Et en parlant de ce Jésus, il savait ce que ce Jésus avait fait. Il a même dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si on lit, on se rend compte que des moments sont arrivés où lui-même il a un peu douté parce qu'il avait des difficultés de comprendre. Mais il était venu pour rendre témoignage de celui-là, ce que Dieu lui avait dit de dire et de comprendre à propos de Jésus, lui qui était venu pour préparer le sentier. Il était la lumière, et si on dit qu'il était la lumière, ça avait réellement son sens. Pensez à tout son ministère lorsque il est venu. Pendant ce ministère, il a amené les gens pas à pas à connaître ce qui était réellement la volonté de son Père. Les uns et les autres, c'est vrai, c'était difficile de comprendre, parce qu'ils avaient des traditions arrêtées son peuple, ses juifs, avaient la loi de Moïse sur laquelle il fixait tout et voulait tout appliquer. Lorsqu'il est venu, on ne l'a pas regardé, on ne l'a pas accepté facilement. Et c'est ce qui ressort là. Il est venu parmi les siens ne l'ont pas reçu. Et à travers les évangiles, nous avons les difficultés qu'il a rencontrées avec ses docteurs de la loi, ses pharisiens, tous ces hommes du peuple et ses responsables religieux. Il a eu beaucoup de difficultés avec ces gens qui cherchaient à l'arrêter, qui ne voulaient pas qu'il puisse effectivement exercer son ministère comme il se devait. Il était comme un obstacle. Ils ne l'ont pas reçu. Et je ne pense pas que jusqu'à présent, tous les Juifs sont d'accord avec lui. Allez en Israël, demandez voir, il y a encore des gens qui ne croient pas en ce Jésus-là. Ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Et lorsque nous pensons à tout ce qu'il a fait, du début de son ministère, nous pouvons dire que cette lumière, effectivement, n'a pas été facilement acceptée. Vous et moi, aujourd'hui, nous fêtons là, nous préparons cette célébration. Mais je vous pose la question. Cela fait plus de 2000 ans que Jésus est venu et qu'il est parti. Si on nous demande à vous et à moi qui avons accepté Jésus, est-ce que dans nos vies, nous n'avons pas déjà expérimenté la grâce et la puissance de Jésus? Nous sommes nombreux qui allons dire oui, nous avons manifesté cette grâce-là. C'est visible par des gens qui sont nos proches. C'est visible souvent par ceux qui sont loin de nous. Mais je vous pose la question, est-ce que le même état n'est-il pas là? Est-ce que tout le monde accepte? Non. C'est comme de plus en plus, on met en cause même cela. Il y a des milieux dans lesquels, lorsque vous vous présentez comme chrétien, qu'est-ce qu'on dit? Ce sont des illuminés, c'est ça? Deux fois, moi je suis pasteur, vous pouvez arriver dans des coins, si on dit pasteur, vous allez voir des gens qui vont avoir des rires sarcastiques. La raison c'est quoi? Pasteur, ça veut dire quoi? Hier, j'étais chez le frère du pasteur Karambiri, qui est un de mes beaux. Il a marié une de mes cousines. Son frère, qui a fait un accident. Et pendant qu'il a fait l'accident, j'étais à Djebougou. Donc, j'ai profité d'hier pour aller lui rendre visite. Je vous ai déjà dit qu'un jour, ça va. Ça va être bien. C'est ce solo-là en question. Vous voyez, ce sont des gens, c'est pas qu'ils ne voient pas des choses. Ils ont leur grand frère qui fait beaucoup de choses, mais ils sont demeurés comme ça dans leur manière de voir les choses. Et hier, à la fin de ma visite, j'ai dit beau solo, qu'est-ce qu'un pasteur peut faire d'autre? Sinon, prier pour les gens. Il a dit non, tu peux prier. Il n'a pas discuté. Il a dit non, tu peux prier. Ma femme m'a dit que depuis que tu as appris la nouvelle, tu pries pour moi tous les jours. Il faut prier. Vous pensez pourquoi? Il est malade. Oui. Et on sait que, ils savent que quand on prie, on reçoit la guérison. N'est-ce pas? Dieu peut étendre sa main et donner la guérison. Mais à part ça, ils ne sont pas prêts à faire un autre pas. Moi, je vous pose la question. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on nous regarde comme quoi? On nous regarde comme des charlatans. Ils prient. Et puis je suis guéri, je prends ma guérison, et puis merci. Et puis je tourne le dos. Tu vas tomber encore malade. Tu vas même mourir après. Et il faut se préparer, n'est-ce pas? C'est ça qui est plus important, n'est-ce pas? L'important, c'est que tu sois attaché à Jésus jusqu'à la fin. Donc voilà, dans le monde, il y en a plein. Nous avons des collègues, quand ça chauffe, parce qu'ils ne connaissent pas Christ, ils disent, il faut prier pour que la situation s'arrange. Quand la situation sécuritaire chauffe, on dit à la fumée, priez. C'est pas cela? Combien de fois on dit de jeûner et de prier? On jeûne, on prie. On sait Les gens savent que Dieu s'occupe, Dieu écoute et Dieu répond. Mais ce Jésus-là, tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. On est toujours dans la même dynamique. Mais ceux qui l'ont reçu, il est dit qu'il leur a donné la possibilité d'être enfant de Dieu. Et c'est ça qui doit nous encourager à tout moment que nous célébrons cette fête de Noël, que nous puissions penser qu'est-ce que nous devons faire pour les autres? Comment est-ce que nous pouvons aller vers eux, leur permettre aussi? Parce que Christ n'a pas dit qu'ils viendront tous dans la bergerie. Il n'a pas dit ça. La parole de Dieu le dit clairement. Ce n'est pas tous qui viendront. Il y a ceux qui sont appelés viendront. Donc, qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que nous connaissons tous ceux qui vont entrer dans la bergerie? Je ne suis pas sûr. Mais notre devoir est d'œuvrer comme nous le pouvons afin que l'Esprit de Dieu agisse dans la vie de ces gens et ceux qui ne connaissent pas encore Christ, qu'ils puissent le connaître aussi comme leur Seigneur et leur Sauveur. Nous avons déjà cette grâce. Nous avons déjà reçu cela. Mais nous ne devons pas garder cela pour nous seuls. Non. J'ai dit notre devoir, c'est de continuer, même si c'est un refus. Il y a des gens qui refusent et à la dernière minute, ils acceptent. Dieu a son plan, n'est-ce pas? Pensez un peu à l'apôtre Paul. Est-ce que tout le monde pouvait s'assurer que quelqu'un comme Paul pouvait devenir un enfant de Dieu et puis être un évangéliste? Non. Il sait ce qu'il a fait. La Bible est pleine d'exemples de gens qui, effectivement, étaient loin de Dieu. Des gens qui étaient opposés, mais des gens qui, plus tard, sont venus et sont des gens qui ont œuvré. Si du temps de Jésus, cela s'est passé, si après cela s'est passé, aujourd'hui, pourquoi cela n'est-il pas possible? Pourquoi, en célébrant la fête, nous ne mettons pas l'accent sur le côté important? Noël arrive, nous nous préparons pour la Noël, bon, peut-être un repas. Bon, Noël arrive, on va inviter nos voisins. Mais moi, une des questions que je pose, est-ce qu'en invitant les voisins, nous n'avons pas des possibilités de les inviter, d'utiliser autre chose pour que de cette Noël à la Noël prochaine, que je puisse dire, ah, ce voisin-là, nous avons témoigné et aujourd'hui, voilà, il est avec nous. La plupart du temps, nous n'allons pas plus loin que cela. Nous qui avons reçu, nous qui avons ce témoignage quotidien, nous qui savons que quand on se lève le matin, avant de quitter notre maison, on demande au Seigneur de nous protéger et nous sommes convaincus que nous sommes protégés. Nous qui sommes ici, combien parmi vous, en quittant la maison, après avoir fermé leur porte, ils n'ont pas dit « Seigneur, protège » et puis je m'en vais. Combien? Hein? Seigneur, protège-nous. Ok, et puis on bouge. Et puis on repart, on est encore tranquille. Combien sont ceux qui ont de l'argent pour prendre un gardien? Il y en a combien? Paul, vous avez un gardien chez vous? Bon, je ne suis pas sûr. Charles vient de loin. Au village, là, tu as un gardien? Charles n'a pas de gardien. Bon, chez moi, j'ai un chien. Mais le chien ne peut pas tout faire. Voyez, nous faisons beaucoup de choses avec cette assurance que nous avons à notre Dieu. Dans nos déplacements, dans tout ce que nous faisons, nous nous lions, nous nous fondons sur cette assurance que nous avons à notre Dieu. Combien sont ceux qui ont besoin d'avoir cette assurance-là? Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de cette assurance. Quand vous regardez les mines des gens dans la rue, vous voyez que beaucoup de gens sont assez inquiets. Pourquoi sont-ils inquiets? Parce qu'ils n'ont pas cette assurance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. N'est-ce pas? Ils n'ont pas cette assurance. Nous, en regardant à ce que le Seigneur a fait pour nous, je crois que cela vaut la peine que nous puissions partager cela avec les autres. Et cette Noël, c'est vrai, c'est tous les jours que nous devons le faire. Mais est-ce que tous les jours, les voisins sont prêts à nous écouter? Pas sûr. Mais des occasions comme la fête de Noël, je crois qu'il y a des voisins qui ne sont même pas chrétiens, parce qu'à leur fête, peut-être que nous leur rendons visite, nous les saluons, à notre tour, eux aussi, ils viennent chez nous. Ça, c'est la manière la plus simple pour lier des relations. Si vous venez et vous me souhaitez bonne fête, quand votre tour va arriver, je vous souhaite bonne fête, c'est ça, non? Et ce sont des occasions comme ça dont il faut profiter pour exposer ses frères et ses sœurs à la parole. Exposer ses frères et ses sœurs à ce qui est réellement Jésus dans notre vie. Ça semble simple, mais souvent, nous négligeons cela. Les étudiants, vous avez peut-être beaucoup de voisins qui sont de l'AMB, ces gens un peu radicaux là. Quand vous commencez à parler, immédiatement, ils vous disent non. Et puis vous vous taisez. Non. Vous n'êtes pas obligé de parler, montrer par votre témoignage. Il y a plein d'enseignants ici. Hein, n'est-ce pas ça? Bon, tous ces élèves, ils ne connaissent pas Christ. Nous, nous le connaissons. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons permettre à ces gens de le connaître aussi à travers nos vies. La Noël que nous préparons. Cette célébration a un sens. Jésus est effectivement venu pour sauver le monde. La lumière. Cette lumière, nous l'avons reçue. Et cette lumière est réelle. Et elle est présente. Les versets un peu plus haut parlent qu'il était là avant, dès le commencement. Et la parole de Dieu nous dit que sa parole demeure éternellement. Elle ne change pas. Jésus est avec nous, à travers son Saint-Esprit aujourd'hui. De quoi avons-nous besoin encore, nous, pour témoigner? Je voudrais que réellement, nous pensions au témoignage. C'est vrai que nous ne le faisons pas tous les jours, mais c'est nécessaire dans nos vies d'être des témoins de tous les jours, chaque jour dans notre vie. Je voudrais que vous vous teniez debout, nous allons prier ensemble. Ce don que Jésus, Dieu l'a fait pour toute l'humanité. Il ne l'a pas fait pour nous seulement, il l'a fait pour toute l'humanité. Et vu que nous l'avons reçu, il est nécessaire que nous puissions permettre aux autres aussi de le connaître et de recevoir. Nous allons prier chacun pour lui-même, pour que nous soyons de véritables témoins. Que chacun prie pour lui-même. Prions. Je voudrais être reconnaissant ce matin. Donne-moi ce matin d'être la lumière. Cette lumière. Je peux s'en effectivement. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Oui Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons de ce que toi, tu nous as encore révélé ta lumière et nous l'avons reçue. Et Père de bonté, nous voulons te demander cette grâce, cette force, ce courage d'être des témoins fidèles et des témoins de chaque jour. Afin que ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent te connaître et aussi faire le pas, t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu es venu pas pour nous seulement, tu es venu pour toute l'humanité. Et Seigneur, nous t'invoquons pour cela. Demandons ta grâce, demandons ton soutien, afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent aussi venir à toi. Sois béni, sois loué et sois exalté de ce que tu vas nous donner la force, le courage nécessaire, la témérité même, quelquefois, pour que nous puissions témoigner de toi. Merci, au nom de Jésus. Amen. Je vais vous asseoir. Comme Paulin l'a annoncé, à cause des activités du mariage la semaine dernière, n'ont pas pu passer à la table du Seigneur. Et ce matin, nous avons projeté de le faire